Jazz Time, présenté par Gérard. Les amateurs de jazz vivant en Lorraine sont particulièrement favorisés puisque en moins de deux mois, après Like Jazz Machine à Dudelange, puis le Marly Jazz Festival et puis Jazz dans les Vallées à Senon, direction Thionville où le festival Jazzpod va se dérouler du 23 au 30 juin pour sa 14e édition. Alors nous accueillons aujourd'hui le programmateur, le maître d'ouvrage en quelque sorte du festival Jazzpod, Christian Schott, en charge de la programmation. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici pour nous permettre de parcourir ensemble le programme des concerts de Jazzpod édition 2018. Première question, Christian, concevoir et mettre sur pied un programme de festival de jazz, est-ce qu'il c'est plus difficile en 2018 que lorsque Jazzpod a commencé il y a 14 ans ? Non, je dirais que c'est plus fin, c'est à la fois plus facile et plus difficile. Plus facile parce qu'on a quand même maintenant un réseau, etc. On a de plus en plus aussi d'adhérents et de membres de l'équipe, et ça c'est important, parce que Jazzpod c'est pas une personne, c'est vraiment une équipe de copains. Donc on a de plus en plus de gens qui fouillent et qui écoutent du jazz un peu partout. Donc il y a plus de propositions qu'au départ. On arrive plus facilement à contacter les musiciens, les tourneurs. On connaît maintenant, ça c'est vrai. Par contre, les propositions sont de plus en plus larges, de plus en plus vastes, et c'est difficile de faire un choix plutôt. Voilà. Même si l'amplitude du festival en 14 ans s'est étendue, puisqu'on est aujourd'hui à 5 soirées de grands concerts, on a commencé par 2, mais ça fait rien, quoi. C'est toujours frustrant. Et puis vous avez un équilibre financier à trouver. On a toujours cet équilibre financier à trouver, oui, ça nous poursuit, quoi. C'est vrai qu'on a toujours le sentiment de jouer le festival suivant sur le précédent, quoi. Ça, c'est vrai qu'on en est toujours un peu là, quoi. Et quand votre programme est prêt, vous avez des regrets, non, de ne pas avoir invité tel ou tel groupe ? Ben, je pense qu'on a toujours des regrets. Il faut vite fermer le truc parce que c'est vrai qu'on a que des regrets presque. On est bien sûr heureux d'accueillir ce qu'on va accueillir, mais on est vraiment frustré de le choix. C'est toujours difficile. Et puis des mécontents qui sont venus vous solliciter et que vous n'avez pas retenu. Ben, et ça, c'est l'une des grandes difficultés. Ça se traduit pas par des mécontentements farouches, etc. Mais c'est quand même très difficile de devoir dire non. Parfois, c'est des histoires de budget, c'est certain aussi. Il y a des cachets qu'on pourrait pas se permettre. Mais par contre, et là aussi, c'est un petit réseau. Les gens du jazz se connaissent, les musiciens se connaissent, les tourneurs se connaissent, les programmeurs se connaissent aussi. Donc ça devient, on dit non à des copains au bout d'un moment aussi. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors quand on regarde les noms des groupes que vous invitez, on constate que vous avez choisi un programme franco-français, en quelque sorte. Est-ce que c'est le hasard ou c'est un choix délibéré ? C'est pas un choix délibéré, en tous les cas, pour ce qui concerne les nationalités. Il y a quand même beaucoup de Belges cette année, mais autrement, c'est vrai qu'on a peu d'Américains, par exemple, ça c'est vrai. Et ouais. Donc c'est le hasard des offres, des réponses. C'est souvent nous, on part de choix, quoi. On a une liste une longue liste qui s'allonge d'ailleurs chaque année, agrémentée aussi par l'actualité. Et on va au devant. On a envie d'inviter tel ou tel. On avait envie de revoir par exemple Portal. C'est à la fois les propositions, mais c'est aussi ce qu'on a envie de voir. Donc on va à la recherche. On n'a pas un programme clé en main, par exemple. Et on varie aussi, on s'est donné une espèce de ligne de conduite, à avoir toujours des places pour des régionaux, pour des locaux, quelques têtes d'affiche qui tirent un peu le festival, des propositions un petit peu plus audacieuses, et c'est ce qu'on a voulu faire cette année aussi. Donc c'est un mélange de tout ça, quoi. Alors, il y a un débat actuel sur la place des femmes dans la musique, dans la chanson, dans le théâtre, dans le cinéma. Est-ce que, dans vos programmes, vous avez dû tenir compte de cette question de mixité, de place ? Est-ce que cette priorité homme-femme rentre dans vos choix ? Non, pas vraiment, mais c'est toujours à la fin. On fait le constat et parfois, on a quand même beaucoup de féministes et de femmes, et d'ailleurs d'hommes aussi qui le sont tout à fait, et c'est normal. Et quand on fait parfois les quotas, quoi, en fin de programmation, on se dit, mais c'est vrai que, et notamment je me souviens que l'année dernière, je crois qu'on avait une seule femme, et donc là c'était marrant, mais on n'a pas non plus recherché systématiquement une soirée fille ou un musicien, etc. On a eu quand même, rien que le fait de dire quand même, c'est quand même C'est quand même significatif de dire quand même, de lâcher à quand même qu'on est un gars là. Mais c'est vrai qu'on a eu des femmes leaders, ce qui est tout à fait normal. Je pense que les femmes n'ont pas encore toute la place qu'il aurait dû au sein du jazz, ça c'est certain. C'est peut-être, nous on reflète simplement la réalité. Et on n'a pas encore programmé une femme parce que c'est une femme, quoi. Ça c'est certain. Alors Christian, on en vient au concert et pour la première soirée, ce sera le 26 juin à 20h30 au Théâtre en Bois de Thionville, en première partie, Armel Dupas Trio. Alors, quel est ce groupe? Quel est ce trio? Alors c'est une soirée qui est consacrée à Jazz Migration. Jazz Migration, c'est un tremplin qui est organisé par une association qui s'appelle l'Association Jazz et Croisés, une association nationale qui regroupe à peu près 80 salles et festivals. Et par exemple, sur la région, il y a les NJP en font partie. Il y a également les Trinitaires et Jazzpot pour ce qui est de notre Lorraine. Et chaque année, il y a donc un tremplin. Il y a quatre lauréats en fin de course, quoi. Et parmi ces quatre lauréats, il y a Armel Dupas. Et il y aura le deuxième trio, Nox et Linda Ola. Donc on a décidé, nous, de consacrer cette année une soirée complète à ce tremplin. Donc pour ce qui est d'Armel Dupas, c'est un trio piano-basse-batterie. Avec Armel Dupas, c'est quand même l'un des pianistes qui joue avec Henri Texier, quoi, pour vous donner un petit peu le niveau du tremplin, quoi. Et donc vous êtes partenaire de la formule Jazz Migration. C'est ça. Vous êtes engagé dans la démarche. On est engagé, on est adhérent à la JC, quoi, l'association Jazz. Et donc les deux invités de la première soirée, Nox.3 plus Linda Ola, sont des gens qui ont été aussi lauréats. C'est des gens qui ont été lauréats, ouais. Il y a quatre lauréats, on a choisi deux. Alors vous nous avez apporté un extrait d'un album d'Armel Dupas. Le titre, vous allez nous le donner, c'est... Les Plaines de Mazerolles. Le trio d'Armel Dupas, Christian Schott, vous nous avez amené un extrait de cet enregistrement et vous avez bien précisé que vous avez choisi de faire une soirée Jazz Migration, c'est-à-dire que c'est une association qui organise un tremplin pour décerner des prix à des lauréats et surtout pour les encadrer en quelque sorte. Oui, qui leur apporte une formation dans différents domaines, comme par exemple la communication, et qui assure aussi une série de tournées parce que chacun des quatre groupes, alors il s'agit de groupes bien souvent, je crois qu'ils ont autour de 80 dates dans l'année, ce qui est beaucoup pour des inconnus, quoi. Et c'est vraiment de réels tremplins, quoi. Ils sont assurés d'avoir des scènes pendant au moins une année. Voilà. Alors. C'est ce qui est difficile, quoi, hein, dans le... Ils font même beaucoup d'envieux, quoi. Alors, première partie de soirée le 26 juin à Thionville, donc Armel Dupas Trio, et en seconde partie, un ancien lauréat de Jazz Migration, qui est Nox.3, donc trois garçons très dynamiques, et qui viennent cette fois avec une chanteuse. Alors, c'est une chanteuse suédoise qui est installée à Paris et qui a choisi de mêler les voix, les effets électroniques, et ils doivent sortir prochainement un album, mais pour l'instant, vous nous avez apporté Nox.3. Le précédent, quoi, sans Linda Ola. Voilà. Donc une surprise, une découverte une à découverte, Thionville. Voilà, puis c'est donc on écoute Nox.3. Thank you. Le groupe Nox.3 que nous a porté Christian, c'est un groupe qui sera sur la scène du Théâtre en Bois de Thionville le 26 juin en soirée. Un groupe qui viendra accompagné d'une chanteuse norvégienne, Linda Ola, donc à découvrir à Thionville. C'est ça. Enfin, Rémi Fox, c'est aussi un de nos chouchous puisque... Il était au conservatoire de Metz, et c'est quelqu'un qui a fait une fanfare à Jazzpot il y a 14 ans à peu près, qui a fait des apéros jazz, qui a été première partie et qui est tête d'affiche, donc c'est une belle progression, et ouais, et Rémi, on l'aime bien, voilà. Christian, on passe à la seconde soirée du festival Jazzpot de Thionville, ce sera le 27 juin 20h30, avec deux groupes. Le premier, qui a pour nom East Sun Quintet, sont des locaux. Ce sont des locaux, ça c'est un groupe qui va animer l'apéro jazz comme tous les soirs de 18h30 à 20h, c'est un concert extérieur sur podium et gratuit. C'est un groupe local qui va reprendre des standards avec la particularité d'avoir deux saxophones. Voilà. Et c'est la volonté de l'organisation de faire venir des musiciens régionaux pour leur offrir une scène et puis une certaine notoriété locale. Oui, c'est une volonté depuis le départ, à la fois d'offrir une scène et d'offrir au public des moments aussi gratuits, quoi, parce qu'on a à ce moment-là un public familial, convivial, et qui a pour habitude de venir à cet apéro. C'est un rendez-vous aussi de l'été, du début de l'été. Donc voilà. Alors, le 27 juin à 20h30, la soirée au Théâtre en Bois, il y a un groupe qui a pour nom Alain Pierre Special Unit. Alors, Alain Pierre et Friends. Alors, qui sont ces Friends d'Alain Pierre ? Alors, c'est des Friends belges. On a parmi les Friends, il y a le fils d'Alain Pierre, qui est Antoine Pierre, qui est un batteur émérite. Là, c'est un jeune batteur, mais c'est le batteur de Philippe Catherine, entre autres, et qui fourmille aussi de projets personnels. Il y a par exemple le saxophoniste Toine Teys, qu'on a déjà eu à Jazzpot en leader, qui a accompagné longtemps Anne Passeo, et d'autres musiciens très certainement moins connus. C'est un groupe qu'il a constitué pour l'occasion, c'est des musiciens avec lesquels il a l'habitude de jouer, mais il s'agit de véritables compositions, donc on va vraiment découvrir. On lui a donné les clés du théâtre, et c'est lui qui fait le menu et le repas, quoi. Donc on va tout découvrir. C'est vraiment à découvrir, parce que vous n'avez pas pu nous apporter d'extrait musical. Non, il n'y en a pas encore, puisqu'il est, bon, je pense qu'il a fini de composer à l'heure qu'il est, mais je ne suis même pas certain que tout soit bouclé. Et donc c'est vraiment... C'est le principe c'est pas le principe des cartes blanches, parce qu'on a eu déjà plusieurs cartes blanches qu'on essaye de dédier à chaque fois à un instrument différent. On a eu par exemple Murat Öztürk qui a revisité sa carrière. Murat Öztürk, le pianiste bien sûr, qui a revisité sa carrière. On a eu Dagonier qui est venu avec Bernica. On a eu Damien Prudhomme l'année dernière qui avait aussi écrit. Et cette fois, Alain Pierre a souhaité écrire pour l'occasion. Donc on n'a rien. Donc je rappelle le programme du 27 juin au Théâtre en Bois de Thionville dans le cadre de Jazzpot 2018. Donc East Sun Quintet à 18h30 à 20h30, la formation avec un programme tout à fait original, voilà. Une création. Création. Création avec Alain Pierre Special Unit, c'est le groupe formé par Alain Pierre et que l'on va découvrir. Alors Christian, on passe au 28 juin, c'est un jeudi, on est à mi-parcours en quelque sorte du festival Jazzpot. Toujours une première partie que vous nous proposez avec un petit groupe qui est EGC Trio. Oui, avec un orgue, et voilà, un trio augmenté puisqu'il y a un invité guitariste. Au départ c'est saxophone, orgue et batterie. Avec sur de tout jeunes musiciens qui viennent proposer des standards et une ou deux compositions, si nous ont-ils promis. Et puis pour suivre ce groupe, alors quelqu'un que l'on connaît bien, un batteur émérite, qui est un homme qui écrit beaucoup aussi parce qu'il aime donner ses opinions, c'est un homme qui est engagé. Oui, c'est un homme, Bruno Tocan, c'est un homme. Voilà, qui est engagé. Bruno Tocan qui est batteur, chef d'orchestre, compositeur, qui a fait des expériences avec des scolaires. Enfin, il est quelqu'un de très divers, de très ouvert au jazz. Et vous avez choisi cette année de l'inviter. Oui, c'est Bruno Tocan, c'est un nom qu'on avait voulu déjà inviter Over the Hill, quoi. Donc, quand il était en grande formation il y a ou deux ans sur ce beau projet, ça n'avait pas pu se faire avec une histoire de calendrier. On a gardé l'idée de Bruno Tocan, cette fois c'est en quartet. Entre temps il y avait un projet autour de Pablo Neruda, là c'est Robert Wyatt. De toute façon il a un projet par jour, on a l'impression, et c'est vrai que c'est aussi quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un qui, bon, c'est important aussi, quoi. Et puis c'est une grande figure du jazz contemporain français. Jazz. Et puis j'ai vu dans votre programme qu'il est en compagnie de Sophia Lomansich, voilà, une pianiste que on est content de voir parce qu'elle vient pas souvent dans les festivals. Mais Bruno Tocane non plus, hein, c'est pas. Ça fait partie des gens pas très connus, quoi, en fin de compte. Connus dans le milieu du jazz, mais qui est un petit milieu. Et encore, c'est un peu. C'est les allumés du jazz, donc c'est encore une partie des musiques improvisées, etc. C'est cette famille-là, donc. Alors, vous nous avez porté une musique de Bruno Tocane. Oui. Alors, est-ce que c'est un thème qui est dédié à Carla Bley, peut-être ? C'est un thème qui est dédié à Carla Bley. Alors, le thème que l'on écoute par le groupe de Bruno Tocane, c'est Carla Song. Thank you. Au programme de la soirée du 28 juin 2018 à Thionville au Théâtre en Bois, le quartet de Bruno Tocan que l'on écoutait dans un hommage à Carl Ablé. Et là, Christian, il viendra avec un programme qui est tourné autour de... un hommage aussi autour de Robert Royatt. Oui, jazz, rock progressif, voilà. Et puis qui a été un album qui a été... Enfin, il a proposé son album qui a été salué à la fois par les Inrecuptibles et par Jazzman. Donc on est vraiment au confluent de certaines influences. Vous êtes tout à fait dans la note. On est dans la note. Voilà. Alors, en seconde partie de soirée, Masha Karabian. Alors, c'est une chanteuse, une pianiste. Quelle est cette personne qui a un nom arménien? Un nom arménien, et c'est une, d'origine arménienne. Donc, c'est une compositrice, pianiste et chanteuse, et qui propose un jazz très proche du folk, un jazz très mélodieux, parfois un peu éthéré, et avec un batteur, par exemple, qui s'appelle quand même Dre Palmas. Donc, c'est pas non plus le premier venu. On a beaucoup de grands batteurs cette année. À Jazzpot, on a toujours, mais c'est vrai que c'est une année à batteur, en fin de compte, sans s'en rendre compte parfois. Quand on a fini la programmation, on se dit il y a quand même du beau monde du côté des baguettes aussi. Et ce qu'elle propose, oui, c'est lié à ses origines à la fois arméniennes, françaises. Elle a vécu aux États-Unis, elle était proche de Rick Hine, etc. Donc voilà. Alors vous nous avez apporté une interprétation de cette Masha, on dit Garabian. Avec son quartet, et là elle rend un hommage, je pense, à Fellini, c'est ça, avec Amarcord, qu'on écoute tout de suite. Thank you. Le quartet de la pianiste et vocaliste Masha Garibian, c'est un quartet qui sera présent le 28 juin sur la scène du Théâtre Rambois à Thionville dans le cadre du festival 2018 Jazzpot. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Schott qui est le programmateur, le maître d'ouvrage de ce festival et qui a eu la gentillesse de venir dans le studio pour nous présenter ce programme. Si Christian, c'est important de présenter un programme avec ceux qui l'ont conçu. Oui, c'est gentil d'accueillir une association comme la nôtre chaque année. Et au fil des années, est-ce que vous voyez évoluer le public, la 13 édition, la 14e qui va commencer? Est-ce que vous touchez un public nouveau? Comment on rajeunit le public? Est-ce qu'on peut rendre le jazz plus populaire? Je pense qu'on a élargi le public, on le voit dans les chiffres de fréquentation, si on s'arrête un peu aux chiffres, mais aussi sur le fait que depuis qu'on a pu programmer des véritables têtes d'affiche, c'est vrai qu'on a fait venir des gens de plus loin, des véritables amateurs de jazz qui viennent pour un nom, qui viennent pour un groupe, des gens qui viennent de Moselle-Est, qui viennent de Nancy, de Metz, et voire de plus loin, quelques Lyonnais de temps en temps, des gens du Nord, parce qu'il y a des gens qui suivent tel ou tel artiste parfois. Ce qu'on n'avait pas au début, on avait un public un peu de copains, pas forcément de grands amateurs de jazz, mais qui venaient découvrir. Et ça s'est élargi au fur et à mesure. Et le public plus populaire s'est aussi élargi au moment des apéros jazz. On a aujourd'hui 400 à 500 personnes. On avait une centaine il y a encore quelques années. Donc le public globalement s'est élargi. On a aussi un public belge et luxembourgeois, c'est aussi peut-être le fait de programmer des luxembourgeois, des musiciens luxembourgeois, et ça n'a pas été un calcul comme ça, mais il s'avère que le public accompagne parfois ces musiciens, amène d'autres publics, et ça s'est fait aussi comme ça. On entend aujourd'hui l'accent belge, l'accent luxembourgeois, et c'est important aussi. Le bouche à oreille fonctionne. Le bouche à oreille fonctionne, c'est beaucoup ça. Alors, je rappelle que nous sommes avec Christian Schott et on passe au programme du 29 juin à 20h30. Également deux formations au programme avec un trio tout à fait original, c'est le trio Sci-Fire. Alors, avec des individualités quand même dont il faut parler, il y a le guitariste Hans Poulsen, il y a Peter Corser au saxophone, Johan Dalgar au clavier. Donc, c'est un trio à découvrir, je pense. Et on a écouté sur des clics il y a quelques temps un extrait de leur album qu'ils ont réalisé avec deux chanteurs. C'est tout à fait original. Il y avait à l'époque Mounir Troudi et Abdellah Minayi. C'était quelque chose de très original. Il y avait deux voix qui s'ajoutaient à ce trio. Oui, voilà, il y a une ossature ce trio et il est souvent accompagné d'autres musiciens, etc. Bon, nous, on aura le trio pur, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a même San Severino, je crois, qui intervient à la fois sur le CD et parfois sur scène, etc. Il y a une espèce de chœur comme ça, et puis en fait, ça part un peu. Bon, c'est difficilement maîtrisable, j'ai l'impression. Enfin, eux maîtrisent, bien sûr. Mais c'est vraiment c'est ce qu'on a appelé parfois une claque, quoi. C'est quelque chose qui va. Puis on connaît, nous, enfin, à Jazzpot, on connaît par exemple Hans Poulsen, qui est quand même avec notre personnage, quoi. Ah oui, le personnage assez Poulsen, vraiment. C'est le leader de Das Kapital, et puis c'est aussi quelqu'un qu'il faut voir. Oui, parce que sur scène, c'est aussi. On a un souvenir quand même, enfin, si je peux me permettre rapidement, d'une anecdote avec Hans Poulsen. Hans Poulsen est chauve, ou alors il a le crâne rasé, peu importe, c'est pas ça. Et comme le Jazzpot se passait au sein d'un théâtre, il y a des perruques, et Hans Poulsen avait mis une perruque rousse, longue, ondulée, etc. Les gens ne le connaissant pas au départ, il arrive sur scène, il est normal, quoi, je veux dire. Et au bout d'une demi-heure, il a jeté sa perruque, ça a fait j'entends encore les cris dans la salle, à un moment. Et voilà, ça dévoile bien le personnage, quoi. Alors, vous nous avez apporté un extrait de l'album de Sci-Fire, c'est Greenwash. We'll be right back. الشمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا وأنت خيالا منك في الكاس ولا قدرت على الإتيان جئتك مسعيا على الوجه أو مشيا على الراس ما لي وللناس يرحونني سافرا ديني لنفسي ودين الناس للناس Fire, un soupir de feu. Hein, c'est le groupe animé par Asse Poulsen qui sera en première partie de soirée au festival Jazzpot au théâtre en bois à Thionville le 29 juin à 20h30. Et puis en deuxième partie, alors le New Quintet de Michel Portal. Alors Michel Portal, éternellement jeune, avec un répertoire, je pense, complètement nouveau. C'est un fidèle de Jazzpot, Michel Portal. On a l'impression qu'il est venu très souvent, mais c'est en fait que la deuxième fois qu'il vient. On a l'impression qu'il a, sur ça, il a marqué aussi Jazzpot comme il. Bah, Michel Portal, c'est comme une véritable icône, quoi. Et puis c'est vrai que ça reste un gamin, quoi. Et puis j'ai vu que parmi les musiciens de son quintet, il y avait Bojan Zulfikar-Pazik, qu'on ne voit pas souvent et qui revient là avec Michel Portal. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une parenthèse comme ça où Bojan Z, on l'a vu quelquefois à l'Arsenal, même dans la région, il y a une dizaine d'années, puis on l'a un peu perdu de vue. Ne serait-ce que, enfin, au Luxembourg, on l'a vu un tout petit peu. Et là, on a vraiment plaisir à le revoir. Il était déjà venu chez nous en leader et en trio il y a quelques années. Il y a Bojan, il y a Nils Vogram aussi, il y a Bruno Chevillon. C'est quand même là encore du solide, quoi. C'est quand même. Et un jeune batteur belge, dont je tairai le nom parce que j'arrive pas à le prononcer. Dieseling, je crois. Donc c'est la soirée du 29 juin, en deuxième partie de soirée, avec le New Quintet de Michel Portal. Thank you. voici Cubano, c'est un Michel Porta latino que nous écoutions, mais au Festival Jazzpot, il sera Christian avec son New Quintet, avec au piano en particulier Boyan Z, donc l'occasion de redécouvrir un nouvel aspect du talent multiforme de Michel Porta. Oui, c'est ça, on va découvrir encore une découverte. À Jazzpot, à Thionville. Alors, on passe au dernier soir du festival, mais avant de parler de cette dernière soirée, vous avez quand même tout autour de ces concerts, des animations, hein, un certain nombre d'occasions pour le public de s'initier au jazz, de faire la fête en quelque sorte. Oui, ben c'est ça déjà. Bon, chaque soirée, c'était à trois voix. De 18h30 à 20h, je répète, il y a donc apéro jazz, podium avec des stands aussi associatifs. On y tient des associations humanitaires, ça donne aussi un peu notre image, elle est attachée aussi à ça. Avec, bon, bien sûr, des buvettes, restauration préparée par les gens de Jazzpot, parce que dans chacun des stands, ce sont des bénévoles de Jazzpot hein, qui épluchent les carottes à 9h et qui véhiculent les musiciens et qui range le matériel le soir, donc on vit ensemble pendant une semaine, quoi. C'est bien. Une grande famille. Une grande famille, oui, qui s'agrandit d'ailleurs. Alors on passe au samedi 30 juin, c'est la dernière soirée du festival Jazzpot à Thionville qui a lieu du 23 au 30 juin, c'est la 14e édition. Et vous avez invité encore aussi des locaux, un groupe local qui est le Big Band du conservatoire de Thionville. Oui, pratiquement chaque année maintenant il y a le Big Band de Thionville qui a un projet autour du festival. Donc qui répète, qui parfois compose ou qui revisite des standards, qui réarrange et qui vient proposer son travail en fin d'année à Jazzpot. Ça correspond aussi parfaitement à notre calendrier. Et puis c'est normal aussi de travailler avec des musiciens en herbe et des locaux, quoi, de Thionville. Donc ça, c'est à 18h30, le 30 juin, avant le premier concert de la soirée, qui a lieu à 20h30, avec un quartet qui a pour nom Yitz Yetz Quartet. Yitz Yetz, j'aime bien, parce que nous, on a la prononciation luxembourgeoise, on habite à proximité, et puis partout, c'est Yitz, c'est Yitz, on a toujours du mal à le dire, et ça me fait toujours un peu sourire. Ouais, c'est Yitz Yetz, en luxembourgeois. C'est un saxophoniste qu'on a vu à Jazzpot avec Marley Marquez, il y a 2 ou 3 ans, et qui, bon, la scène luxembourgeoise est riche, il y a beaucoup de jeunes musiciens, et c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que les Michel Rice, Bellardi, etc., ou Jeff Ayer, qui est un peu plus effacé. On a pensé qu'il était l'heure aussi de le mettre un peu plus en lumière, donc on a choisi Yitz Yetz, voilà. Donc c'est un quartet à découvrir. C'est un quartet à découvrir. Voilà. Absolument. Et en seconde partie, alors là vous avez une tête d'affiche. Hein. Ouais. Bon, mais avec Manu Katché, il y a aussi des musiciens qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Manu Katché vient avec Ivan Padouard, Quentin Dujardin. Et puis je vois dans la liste des musiciens, il y a Bert Joris, très grand trompettiste, chef d'orchestre du Bruxelles Jazz Orchestra. Donc là vous avez une formation... Plus qu'intéressante. C'est vrai que c'était vraiment l'occasion, d'avoir à la fois Manu Katché, excusez-moi, qui est plus connu, et c'est certain, mais de permettre aussi peut-être d'attirer parfois sur le nom de Manu Katché des gens qui vont découvrir des Bert Joris et des Ivan Padouard, qui sont des musiciens fabuleux et qu'on voit en fait très peu de ce côté de la frontière, quoi. Manu Katché, il a une image très grand public parce que il est aussi bien pop que jazz que variété. Voilà. Mais c'est un musicien qui, sur le plan technique, mérite le déplacement. Oui, c'est quand même quelqu'un qui a joué, par exemple, avec Herbie Hancock. Quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'il a accompagné Sting, etc. Il a toujours cette image-là et un peu people aussi. C'est vrai, il faut bien dire qu'il a animé des émissions de télé. Donc voilà, c'est ça, c'est Manu Katché. Mais c'est vrai que c'est aussi un grand musicien de jazz. Alors il vient avec un groupe qui comprend Ivan Padouard piano, Quentin Dujardin guitare, Bert Joris, je l'ai dit, trompette, Théo De Jong contrebasse et donc Manu Katché batterie. Alors vous nous avez apporté pour illustrer ce programme donc du 30 juin en deuxième partie de soirée au Festival Jazzpot de Thionville, un morceau qui est proposé par Ivan Padouard et Quentin Dujardin. L'album a pour titre Catharsis, et ce que vous nous avez proposé c'est Song for Paco. C'est Paco Seri. C'est de, oui, Paco de Lucia. Oui, Paco de Lucia. Alors on l'écoute, oui, tout de suite. C'est Quentin qui a composé. Alors, qui dit festival, Christian, dit billetterie, organisation, problèmes matériels à résoudre. Alors, donnez-nous les précisions sur la tarification, les possibilités d'abonnement, de passe pour assister à Jazzpot. Alors, c'est sans changement, d'ailleurs, depuis 2 ou 3 ans, je crois qu'on n'a pas bougé nos tarifs. Donc, les premières soirées, les 2 premières sont à 20 euros, avec tarif réduit 15 euros. Il y a d'abord, je vais le repréciser quand même, gratuité pour les enfants jusqu'à 16 ans. Donc, quelle que soit la soirée. Première soirée, 20 euros, tarif réduit 15 euros. Les 3 mercredis, jeudi, vendredi, samedi, c'est 25 euros, tarif réduit 20 euros. Il y a également un système de passe. Passe 3 jours, donc jeudi, vendredi, samedi, j'y arriverai. 65 euros et les 5 soirées, 75 euros, avec un tarif encore spécial pour nos adhérents. 55 euros le passe 3 jours et 65 le passe 5 jours. Alors je rappelle les dates, le festival a lieu du 26 au 30 juin, c'est-à-dire 4 grandes soirées de concerts, et puis des animations tout autour, c'est-à-dire le festival démarre un petit peu en amont, un petit peu pour en amont, mettre la ville en pression. Voilà, dès le 22, il y a un concert en ville, il y a toujours du cinéma, il y a des expos photos, et de plus en plus d'ailleurs, qui circulent à Thionville, à Ilange, enfin dans la périphérie thionvilloise, et il y a 6 concerts gratuits, en extérieur à Thionville en juillet et en août. Donc. De manière à faire participer les habitants, voilà. Même s'ils ne sont pas amateurs de jazz, ils peuvent voir ce qui se passe à Thionville. Voilà. Alors, une question que je vous pose chaque année est le théâtre en bois. Dites-nous de quoi il s'agit que ce théâtre en bois, parce que ça donne l'impression d'un côté provisoire. Ben, c'est même vraiment provisoire, parce que c'est très certainement la dernière année qu'on y sera, parce qu'il y a des travaux qui sont prévus, et donc on va migrer l'année prochaine, on ne sait encore pas où. Bon, à Thionville, très certainement, mais on ne sait pas du tout. Donc. Alors, vous serez logé où l'année prochaine ? On ne sait pas. On ne sait pas. Verra à l'automne, on a des réunions à la mairie pour savoir soit un chapiteau, soit... Il y a un très beau théâtre municipal, quand même. Mais qui est quand même... le théâtre municipal fait 1000 places. Nous, on n'a pas cette envergure-là, c'est trop important. Et nous, on a quand même même aussi, on tient à ce qu'il y ait un extérieur, quoi, à ce qu'on fait. Ça fait partie vraiment du Jazz Post Festival. Il y a les grandes soirées, il y a les grands musiciens, etc. Et il y a aussi l'ambiance, la convivialité. Et c'est avant tout l'apéro jazz qui donne cette note-là, en tous les cas. Oui, puis la proximité des musiciens, c'est important. Ben, c'est important, ils descendent ils terminent leur concert et ils passent à la buvette ou ils sont accessibles, etc. C'est important, quoi. Alors peut-être la dernière édition, ouais, au Théâtre en Bois. Donc, le Théâtre ceux qui ne connaissent pas, ouais, sont appelés à découvrir ce lieu, oui, qui, se dépêche, qui est mythique. Ce serait dommage de le rater. Voilà, oui, non, c'est quand même mythique, c'est dédié bien sûr au théâtre, et on est accueilli chaque année, c'est un grand chalet, quoi. Voilà. Qu'on climatise cette année, parce que c'est vrai que ça fait 3 ans de suite qu'il fait vraiment, vraiment trop chaud, c'était vraiment inconfortable, donc on a loué une climatisation. J'ai eu des échos par des amis qui étaient il y a 2 ans, je crois, c'était, ouais, vraiment très très chaud. Oui, chaud parce que l'ambiance est chaude, mais la température aussi. Non, mais c'est pratiquement insupportable, et on a eu des défections à cause de cette chaleur, quoi. Donc, alors Christian, ouais, on vous souhaite un grand succès pour la 14e édition, ouais, du Festival Jazzpot du 26 au 30 juin, c'est dans quelques jours, c'est bientôt. Un grand merci d'être venu de Thionville pour nous présenter le programme et nous avoir apporté les extraits musicaux pour donner envie à nos auditeurs de faire l'itinéraire en direction de Thionville. Un grand merci à vous de nous accueillir une fois de plus. On aurait beau faire le plus beau festival du monde, si personne n'en parle, on n'a pas de spectateurs. Donc merci à vous. Mais pas du tout, c'est nous qui vous remercions. Non, et puis on se retrouve peut-être comme chaque année au gré des concerts. Ah, oui, on va se parce croiser, que très on se côtoie très souvent. On va préparer le programme de la prochaine saison ensemble. Voilà, merci. Merci Christian, au revoir. Merci. Merci à Quentin qui a réalisé la partie technique de ce numéro de spécial de Jazz Time dédié à Jazzpot. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Jazz Time. Au revoir.